notre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mote mananga ibate la kimia. Kolo Yesu azana bomoi. Na ikulusu abunda pe alonga. Ponanga tout est accompli. Amen. Bonanga, tout est accompli. Amen. Bona vinanga, bona molimo nanga. Ama bibi na yo, na inazwilo biko. Na makila na yo, na santi sami. Ama sumo nanga, inyoso. Perazwi elonga. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Et comme il a tagaï, na bonela, na kila pena belela, kasi piano nanga na zomonate, wabio ya ya, wananga ina belela kayo, habie shilo. Lobali lobali oko bonanga, salela nga ya minene o. J'ai compris, Seigneur, que ton silence, Jésus n'est pas une absence, mais tu m'enseignes la patience et surtout la persévérance pour aller vers l'excellence. Oh oui, merci Jésus pour ta grâce qui a changé mon existence. Moji.